Bon après-midi, à notre écoute. Débuter avec Jean-Claude Borelli de Las Vegas à Paris. Jean Planel, oui, on revient quelques années en arrière, nous interprète la chanson de mon cœur. Et on continue bien sûr avec la Savoie, figurez-vous, on va faire un tour en Savoie avec Arlette et l'orchestre de Bernard Marly sur le pont des Amours. On voit depuis 100 ans s'enlacer les amants, de l'aube au petit jour. Ils vont y faire un tour en se faisant le vœu de rester amoureux et de se faire la cour. Au moins pendant 100 ans. Oui, il n'y a qu'un qui a oublié, le chanteur d'orchestre Hubert Ledon. Ses passions de roman et les baisers de cœur leur porteront bonheur, car le pont des amours, ça rime avec toujours. sur le pont des amours. Parfois l'on s'imagine que son reflet dessine un signe de velours qui s'en va faire un tour, rejoindre son aimé sur le lac irisé en faisant des détours vers le pont des amours. Poète et musicien, le chant et l'air de rien deviennent troubadours. Et au son du biniou, comme une portée, le tuyau emmène sur ses eaux les chants comme un cadeau. À la pendule de Radio Arc-en-Ciel, Michel avec vous jusqu'à 16h, comme chaque lundi, tout au moins à titre provisoire. Et on continue en musique et en chanson avec la princesse belge de l'accordéon, Erika, et nous interprète « Emmène-moi danser ce soir ». C'est Jean Ferrat qui prend la suite avec Ma France. «

c'est l'amant qui attend avec le cœur battant celle qui ne viendra pas. Ma symphonie, c'est la veuve éplorée qui malgré les années n'ont jamais n'oubliera. Parfois c'est beau, parfois c'est dur. C'est la nature, un beau espoir, les tragédies, bonheur, malheur, c'est ça la vie. Ma symphonie, c'est ce pauvre étranger de partout repoussé qui n'a plus de patrie. Ma symphonie, ces gens qui ont faim dans les pays lointains, luttant pour leur survie. Ma symphonie, c'est le cerf exténué qu'un chasseur sans pitié d'un seul coup à cheval. Ma symphonie, c'est le marin perdu dans les flots déchaînés qui ne reviendra pas. Parfois c'est beau, parfois c'est dur, rien de nouveau, c'est la nature, amour, espoir et tragédie, bonheur, malheur, c'est ça la vie. Sur Arc-en-Ciel. Eh bien, je crois que c'est dimanche prochain la fête des mamans. Alors, on va rendre hommage aujourd'hui au papa en avance, pourquoi pas. Et on va écouter « Oh mon papa » par Jean-Marc Delorme. est-ce que vous avez une pensée pour votre papa qui est certainement disparu? Je parle aux anciens, bien sûr. Et on va continuer, nous, en musique et en chanson, avec cette fois-ci Maurice Parouti. Maurice Parouti va nous interpréter On est bien chez nous. Il a raison, d'ailleurs. On est bien chez nous, en Auvergne, en Limousin, à planter nos choux, à boire du bon vin. On est bien chez nous, à goûter de simple bonheur, chantons tous en chœur à ce qu'on est bien chez nous. Un grand ciel bleu, au-dessus des bruyères, des chants d'oiseaux, jouant dans la lumière, et un vieux saule, au bord de la rivière, c'est bien précieux, ça veut nous rendre heureux. On est bien chez nous, en marche Auvergne, Limousin, oui mieux que partout, chez moi je suis bien. Revenir chez nous, cela me réchauffe le cœur, chantons tous en chœur à ce qu'on est bien chez nous. Chez nous, en marche Auvergne et Limousin, oui, mieux que partout, chez moi je suis bien. Revenir chez nous, cela me réchauffe le cœur, chantons tous en chœur à ce qu'on est bien chez nous. Et on reste avec Maurice Parouti. C'est un décor de Riviera, il y a des tziganes et des rastas. On m'appelle le frisson. C'est bien chaud, comme vos amis. Allez donc jouer. Prenez-moi, vous préférez rester? Bien sûr. Vous êtes gentil, je vous en remercie. Alors, dites-moi des choses jolies. Mais oui, je suis belle, que j'ai de beaux yeux. Quoi, vous n'osez pas? Essayez un peu. On m'appelle le frisson, mes cheveux sont très blonds. Mon cœur facile à prendre. J'adore les bijoux, les toilettes, les froufrous, tout ce qui peut se vendre. J'aime aussi les chansons, le rire d'un bon garçon, les jolies soirs de fête. Un baiser dérobé au lieu de me fâcher me fait perdre la tête. Quand une jolie fille vous dit ça, les plus classés ne résistent pas. Frisson, je t'aime comme un grand fou, et de toi je deviens jaloux. Dans mon village près d'un ruisseau, j'ai une maison, un vieux château. Veux-tu venir, oh ma jolie, vivre avec moi toute la vie? Elle dit oublie-moi, je ferai ton malheur. Aujourd'hui je t'aime, mais demain sont très blancs, mon cœur facile à prendre. J'adore les bijoux, les toilettes, les froufrous, tout ce qui peut se vendre. J'aime aussi les chansons, le rire d'un bon garçon, les jolies soirs de fête. Un baiser dérobé au lieu de me fâcher me fait perdre la tête. Adieu frisson, mais si un jour je vais souffrir à ton tour. Rappelle-toi qu'il est là-bas un cœur qui ne t'oubliera pas. Un soir il reçut ce billet, c'est moi frisson qui vous aimais. N'ayez pas peur que je vous ennuie, car maintenant ma vie est finie. Je n'étais pas méchante, je vous ai fait pleurer. Je n'étais pas de ma faute, il faut. On m'appelait frisson, mes cheveux étaient blonds, mon cœur facile à prendre. J'adorais les bijoux, les toilettes, les foufous, tout ce qui peut se vendre. J'aimais trop les chansons, font le rire des beaux garçons. Les jolies soirs de fête, mais de tous ces baisers, souvenirs effacés, c'est vous seul que je regrette. Et on continue, pourquoi pas, avec Maurice Parouti. Et cette fois-ci, ce sera les pépés de Guéret. Les filles des Antilles par Marc Michel. Les coups bas de l'amour, c'est trop beau. dans les eaux d'un coin d'IA, pourquoi dis-elle que un zéro? Elle me défie, se méfie dans les flots où nos corps m'appellent. Là où gentil et gentil, où sans chaud on le cœur corrèle. Si joli et gentil sont les filles des Antilles, le cœur en laisselle vous laisse les Antilles. Quand elle danse et sa danse vers vous, ce n'est pas une avance mais c'est fou. Elle se penche, se déhanche et fait là que sans peur le cœur se noie. Oh! Tout à l'heure, tout à l'heure! Si joli et gentil sans les filets des Antilles. Le cœur en laisse, elle vous laisse les Antilles. Quand elle danse, elle s'avance vers vous. Ce n'est pas une avance, mais c'est fou. Elle se penche, se déhanche et c'est là que sans peur le cœur se noie. Si jolie et gentille sans les prix des Antilles. Le cœur en laisse, elle vous laisse les Antilles. Quand elle danse et s'avance vers vous, ce n'est pas une avance, mais c'est fou. Elle se penche, se déhanche et c'est là que sans peur le cœur se noie. Encore ? C'était Franck Michael à l'Olympia en 1999. Eh oui, il a 21 ans. Comme le temps passe. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. On m'avait demandé tout à l'heure un songe avant l'aurore ou une toile d'amour par Marc Michel. Malheureusement, je ne peux pas le trouver informatiquement. Donc je l'apporterai le CD samedi prochain. Promis, juré. Notre pays était beau et c'est quand même Marc Michel. Notre pays était beau, il vivait, il chantait, mais petit à petit, ses enfants l'ont quitté. Pour aller travailler dans les grandes cités, l'emploi de salariés, ils ont tous préféré. Mais qu'est-ce donc l'homme à côté d'un pays? Mais qu'est-ce donc l'homme à côté d'un pays? Où sont-elles nos veillées? Quand arrivait l'hiver, il faisait froid dehors, nous avions chaud au cœur. Si nos vieux discutaient du travail de la terre, au hasard d'une valse, nous trouvions le bonheur. Mais qu'est-ce donc un homme à côté d'un pays? Mais qu'est-ce donc un homme à côté d'un pays? Ils étaient beaux aussi, nos dimanches d'antan, tout le monde assemblé auprès de son clocher, et toutes les saisons de l'été au printemps, qu'il était beau ce jour où l'on se rencontrait. Mais qu'est-ce donc un homme à côté d'un pays? Mais qu'est-ce donc un homme à côté d'un pays? Souvenez-vous aussi, c'est tu as à la maison, tout le monde était là, des voisins au tonton. C'était la bonne humeur, du vin nous en buvions. Et tout cela, bien sûr, finissait en chanson. Mais qu'est-ce donc l'homme à côté d'un pays? Mais qu'est-ce donc l'homme à côté d'un pays? En juillet arrivé, le temps des fenaisons, fallait y mettre un coup, c'était pas du gâteau. Du matin jusqu'au soir, la forêt, le râteau. Mais bien vite arrivé, le temps des champignons. Mais qu'est-ce donc l'homme à côté d'un pays? Mais qu'est-ce donc un homme à côté d'un pays? Tout cela est passé, c'était le bon vieux temps, sans argent ni confort et de vieilles maisons. Mais nous étions heureux de vivre tout simplement. Que de beaux souvenirs de nos jeunes années. Mais qu'est-ce donc un homme à côté d'un pays? Mais qu'est-ce donc un homme à côté d'un pays? À notre beau pays, tout cela nous devons. Si aujourd'hui il meurt, demain il revivra. Si nous sommes partis, nos enfants reviendront. Et du temps de l'exil, récolter la moisson. Car qu'est-ce donc l'homme à côté d'un pays? Oui, qu'est-ce donc l'homme à côté d'un pays? Allez, direction l'Olympia en 1999, Franck Michael et un medley. Il veut pas démarrer le medley. Eh bien oui, on ne doit pas oublier, et on ne les oublie pas, tous ces poètes, tous ces grands messieurs qui ont disparu et qui sont toujours dans nos cœurs. Et on les chante ensemble. Ça va pas changer. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça n'a pas changé le monde, que tu changes de maison. Il va continuer le monde, et il aura bien raison. Les poussières d'une étoile, c'est ça qui fait briller la voie lactée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. ça qui fait briller la voie lactée. On s'est aimé, n'en parlons plus. Merci. Thank you. Bien voilà, c'était un medley signé Franck Miguel. On va écouter une chanson ancienne et qui est toujours d'actualité, ancien et actuel, L'étoile d'amour par Monsieur Tino Rossi. On peut dire monsieur, je crois. Ciel radieux, une étoile où jamais ne sonne leur brève. Leur brève où les cœurs se brisent en adieu. Une étoile d'amour, une étoile d'ivresse, les amants, les maîtresses. C'était une étoile où l'on aime toujours. On y entend le soir échanger sous les arbres de fous baisers brûlants le calme de la nuit. Auprès de l'eau glissant sur la fraîcheur des mers, les femmes font goûter leurs lèvres comme fruits. Et l'on parle d'amour, on parle de caresses. Les amants, les maîtresses aiment la nuit, le jour. Un poète m'a dit qu'il était une étoile. Volons-nous vers elle, et nous nous aimerons pendant l'éternité. La chimère aux doux yeux nous prêtera son aile. Voilà où dans le ciel voit sa pâle clarté. C'est l'étoile d'amour, c'est l'étoile. Les amants, les maîtresses aiment la nuit, le jour. Un poète m'a dit qu'il était une étoile où l'on aime toujours. Mon manège à toi maintenant, mon manège à moi. Je recommence tout, hein. Mon manège à moi par la bande abordée. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand je me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que la seule pas interrompre pour retourner au tango. Parce qu'on est bien tous les deux. Quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer de planète. Quand j'ai mon cœur près du cœur, j'entends les flonflons de la fête. Et la terre n'est pour rien. Ah oui, parlons de la terre. Pour qui elle se prend la terre? Ma parole, y'a qu'elle sur terre. mais pour nous y a pas de problème. Car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et tu avais pas du même, nous on s'aimerait quand même. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours dans la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde. Bien sûr reconnu, Tino Rossi. La valse de l'empereur et c'est la bande à barder. La valse de l'empereur et c'est la bande à barder. Et bien voilà. Thank you. sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Et on continue cette musique avec Le Chaland qui passe. Et c'est chanté par Marcel Valiès. Enregistré en 1934. La nuit s'est faite, la berge s'estompe et s'endort. Seul au passage, une auberge cligne ses yeux d'or. Le chaland glisse et j'emporte d'un geste vainqueur ton jeune corps qui m'apporte l'inconnu moqueur de son cœur. N'avançons à rien, le courant fait de nous toujours des errants. Sur mon chaland sont embarqués, l'amour peut-être s'est embarqué. Aimons-nous ce soir sans songer à ce que demain peut changer. Au fil de l'eau, point de serment. Que sur terre on ment. Pourquoi chercher à connaître quel fut ton passé? Je n'ouvre point de fenêtre sur les cœurs blessés. Garde pour toi ton histoire, je veux m'en passer. Je n'ai pas besoin d'y croire, je puis t'enlacer, c'est assez. Ne pensons à rien, le courant fait de nous toujours des errants. Sur mon chaland l'amour peut-être s'est embarqué. Aimons-nous ce soir sans songer à ce que demain peut changer. Au fil de l'eau, point de serment. Sur terre, comment? Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Chavignol et ses fromages, bien entendu, mais il y a aussi quelqu'un d'autre à Chavignol, enfin, il y avait tout au moins un vielleux, et c'est notre ami Georges Cantournet qui nous le rappelle. Voici le vielleux de Chavignol. Et c'est chanté par qui? Devinez. Eh oui, mon ami Jean Cambon. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Vérifiez les applications qu'il télécharge avec un peu d'aide de Google.

cette nuit de rêve. Chante pour moi pendant ces heures brèves. Lentement dans mon cœur refleurit le bonheur dans cette nuit de rêve. Eh bien, en attendant d'autres chansons, on va écouter un petit morceau d'accordéon par Erika. La princesse belge de l'accordéon qui a ouvert notre, nous sert d'indicatif, qui a ouvert notre émission, et nous interprète les lacs du Connemara. Connemara, vais-je le dire. Et ça va démarrer dans quelques petits instants. Toujours, toujours, toujours, un temps mort. Thank you. maintenant Fernand Gignac qui va nous interpréter cet anneau d'or. Anneau d'or. Mettre à ton doigt cet anneau d'or dira au monde entier que tu es à moi et que nous deux devant Dieu et les hommes. Un éternel amour. C'est un honneur pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Enchaînera nos cœurs et nos joies vagabondes. Et tu seras encore la plus belle quand tu auras cet anneau d'or ou noir. Cet anneau d'or pour nous deux jusqu'à la fin du monde enchaînera et nos joies vagabondes. Et tu seras pour moi encore la plus belle quand tu auras cet anneau d'or. Et d'illusions, il vient pour acheter quelques roses en bouton. La fleuriste est jolie, perdue dans son printemps. Il n'est pas sûr de lui quand il dit gentiment, donnez-moi les roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important. Choisissez-les-moi parmi les plus belles. Donnez-moi des roses, elles aiment tant. Il est venu ce client d'abord tous les samedis et plus en plus souvent tous les après-midi. La fleuriste connaît maintenant tous ses secrets, mais elle ne sait jamais vers qui va le toucher. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important. Choisissez-les-moi parmi les plus belles. Donnez-moi des roses, elle les aime tant. Un jour, son éternel bouquet, elle a dit gentiment, vous savez, je m'en vais, je me marie demain,

s'enfuit. Adieu, beau rêve, où les baisers s'offraient comme des fleurs. La nuit fut brève, hélas, pourquoi si tôt fermer nos cœurs à l'appel. À murmurer après de doux aveux, des mots d'adieu. Le soleil paraît trop vite, faut-il donc que l'on se quitte? Que m'importe à moi l'envol du temps? Je voudrais tant. T'aimer encore, t'aimer amis auditeurs, auditrices, qu'il fait très chaud en ce moment, les températures pratiquement du mois de juillet et du mois d'août. Malheureusement, ça va casser, je crois, à partir de mercredi, si mes renseignements sont bons. On annonce des orages, en particulier sur le Loiret. Eh bien, écoutez, on va en profiter, on va demander à Erika qu'elle nous joue. Il fait beau, il fait bon. Voilà. On aura tout dit. 96.2. La FM en couleur. Eh bien, sur la FM en couleur, on va terminer l'émission dans quelques minutes, à partir à 16h, bien sûr. Je ne sais pas si Francky est là. J'attendrai un petit peu, on verra. S'il n'est pas là, ben, je vous laisse en compagnie d'RDP, la radiodiffusion nationale portugaise. Et on va continuer avec notre ami Mick Bréhin, du côté de chez Mick. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Un endroit étonnant, un paysage enchanteur, c'est la reuille et sa douceur, un paradis fait de bonheur, en dégustant un bon chinon, et pour enchanter tous les cœurs, Mick et son accordéon. Du côté de chez Mick, quel endroit magnifique, on y vient de très loin et toujours on y revient. Du côté de chez Mick, pour la danse c'est unique, ce sont de vrais musiciens, c'est le bonheur au quotidien. Chanteur, c'est la reuille et ses douceurs, un paradis fait de bonheur, en dégustant un bon chinon, et pour enchanter tous les cœurs, Mick et son accordéon. Du côté de chez Mick, quel endroit magnifique, on y vient de très loin et toujours on y revient. Du côté de chez Mick, pour la danse c'est unique, ce sont de vrais musiciens, c'est le bonheur au quotidien. Venez donc tous chez Mick, suivez mon diagnostic, car on est si bien, Mick et tous ces musiciens. Venez donc tous chez Mick, vous verrez, c'est magique, et vous en repartirez avec votre rêve réalisé. Et on va continuer avec Georges Guattari, quelques grands succès de ce chanteur. Si vous voulez savoir, voilà. Pour commencer. En me voyant chanter tout seul au clair de lune, vous avez deviné que j'étais amoureux. Et vous vous demandez, est-elle blonde ou brune? Pourquoi me questionner? Vous êtes trop curieux. Si vous voulez savoir quelle est la couleur des yeux de ma belle, regardez un matin tremblant de pâleur le jour se lever. Savoir à peine. Écoutez au printemps dans les prés en fleurs la source chanter. Mais malgré mes aveux, je n'ai pu l'attendrir un seul jour. Une rose aux cheveux et le passé se rit de l'amour. Le soir j'ai pleuré pour elle. Quand le ciel se dévoile contre les étoiles, il en est pavé. Si vous la rencontrez par hasard dans ces villes, que vous la reconnaîtrez à son air enfantin. Son rire est le plus doux des filles de la ville. Mais s'il s'adresse à vous, prenez garde au destin. Si vous voulez savoir de combien d'amants s'est moqué ma belle, sur son peigne d'or fin, comptez les diamants, vous aurez trouvé. Vous voulez savoir toutes les folies que j'ai faites pour elle. Regardez ma misère et mes joues pâlies, vous serez sauvés. Chaque soir je suis là me traînant à sa porte fermée. Mais malgré tout cela, je ne puis m'empêcher de l'aimer. Le nom de ma belle. Si vous voulez savoir, ouvrez-moi le cœur. Il y est gravé. Sous son poids passera sans briser notre chaîne. L'hiver peut venir sous mon toit, j'aperçois les beaux jours qui reviennent. Malgré que tu sois mon amour loin de dans ses soupirs, près de la porte des souvenirs. Puis il emporte dans le lointain mes rêves pleins d'incertains et solitaires au vent des nuits, et dans le mystère loin de tout bruit. Quand tout s'efface avec le jour, malgré l'espace, ô mon amour, mon cœur est toujours près de toi. Quel que soit le destin qui m'entraîne, le temps qui mettra sous son poids l'hiver peut venir sous mon toit, j'aperçois les beaux jours qui reviennent, malgré que tu sois mon amour loin. h 57, on va se quitter dans quelques instants. Peut-être que Francky est là, je ne sais pas. Je vais laisser un peu de musique en attendant. Et sinon, je vous laisse en compagnie d'RDP en direct du Portugal. On se retrouve, bien entendu, dimanche prochain à partir de 13h de 13h à 15h30. Et oui, il faut se mettre ça dans la tête, les nouveaux horaires, provisoires, j'espère. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, une bonne semaine. En condition que le virus ne revienne pas, et tout ce qu'il faut souhaiter, je touche du bois pour vous et pour moi. Voilà, c'est fait. Alors rendez-vous donc dimanche prochain, et en attendant, portez-vous bien. Et à mon cœur, car c'est là sa maison. Et puis à toi dans mon accordéon, une place de choix au cœur de mes chansons. Il y a ton parfum et tes yeux polissons. Et puis à toi qui remplis ma maison. Je les distribue le dimanche pour le plaisir de tous les amoureux qui viennent chez moi se cacher sous les branches et emporter un petit coin de ciel bleu.